Bonjour mes chers amis, et on continue à étudier notre chapitre 22. Ce chapitre qui parle, Jésus a été livré à la mort. Comment cet homme de bien a-t-il finalement terminé sa vie sur une croix, sur une, nous autres on dirait une chaise électrique, ou il a été tué comme un vulgaire criminel. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça fait déjà 3 vidéos qu'on fait sur le sujet, et on va en faire un 4e aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, nous sommes dans la joie d'encore une fois de s'arrêter au pied de Jésus, au pied de ta parole pour que tu nous instruises. Pourquoi Jésus a-t-il été livré? Par les hommes, par Satan et par Dieu lui-même qui avait déterminé toutes ces choses. Aide-nous à bien comprendre, à bien saisir ces grandes vérités. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez que j'aime résumer. Hein? Nous sommes la veille de sa mort. Il est environ 9h, 10h le soir. Jésus a mangé la Pâque avec ses disciples après 6h, donc entre 6h et 9h. Maintenant, il a mangé la Pâque. Ils ont institué la nouvelle alliance dans le sens qu'il l'a annoncé. Tant, elle ne serait pas instituée tant qu'il ne va pas mourir. Et on a vu ensemble que même si les hommes voulaient le faire mourir pour toutes sortes de mauvaises raisons, lui veut mourir, lui désire que ça l'arrive à cause que ceci va enclencher la nouvelle alliance, va enclencher le royaume de Dieu. Et son Père va retirer de la gloire du peuple qu'il sauve pour l'éternité. On a vu que Jésus sait, c'est à cause des hommes, et les hommes vont payer pour le rejeter, les hommes vont être jugés et condamnés pour l'avoir rejeté, mais en même temps, il sait que ça avait été déterminé par Dieu son Père qu'il devait mourir ainsi. On a vu ça jusque-là. Et on a vu hier que les disciples, pendant qu'ils mangeaient avec Jésus, Jésus a dit, il y en a un parmi vous, un qui est assis avec moi à cette table, va me livrer à la mort. Et on a vu que les disciples ont commencé à se discuter, à disputer peut-être, qui va faire une telle affaire de même. Ça a dû amener une certaine tension entre eux autres. Qui d'entre nous est assez niaiseux, si je dirais en québécois, lequel d'entre nous est assez épais pour livrer notre Messie? Pour livrer notre Jésus, notre Sauveur, à la mort. Qui va faire cela? Parce que les disciples ne veulent pas qu'il meure. Jésus désire mourir. Mais en même temps, les disciples, ils ont, au grand jamais, ne veulent que Jésus meure. On va le voir dans les jours qui viennent. Ils ne veulent pas qu'il meure. Parce que pour eux autres, un Messie mort, ça ne se peut pas. Ça ne devrait pas être de même. Ils ne comprennent pas qu'il doit mourir pour l'établissement du royaume de Dieu. Ils vont le comprendre et ils vont l'accepter plus tard. Cette tension qui est née entre eux autres, à savoir qui était pour livrer Jésus à la mort, a enclenché le verset 24 jusqu'au verset 30. C'est ce que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. » Pendant qu'il est là, pendant cette tension, assez de découvrir lequel était assez stupide de livrer Jésus, il y a une contestation, il y a une chicane qui commence entre les apôtres. lequel devait être estimé le plus grand parmi eux. Qui va être le plus important dans le royaume de Dieu que Jésus va établir? On voit à quel point ils sont ignorants de ce que Jésus est en train de faire. Si vous pensez que les disciples sont sauvés à ce moment-ci dans leur vie, ils ont des drôles de réactions pour des gens sauvés. Ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Ils ne comprennent pas encore la mort. Ils ne comprennent pas encore que la mort du Messie va être leur salut. Ils ne comprennent pas encore ça. Ils vont le comprendre et ils vont l'accepter. Mais pour le moment, ils ne le comprennent pas. Et ça va les emmener, cette incompréhension-là va les emmener à abandonner, à livrer Jésus à lui-même devant la mort. Ils vont l'abandonner toute la gang. Ils vont le renier toute la gang. Ils sont tellement préoccupés à savoir lequel qui est le plus grand qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Et Jésus dit, vous voulez être le plus grand, vous ne devriez pas être le désirer ça. Parce que les ceux qui désirent être les plus grands parmi les hommes finissent par être des tyrans. Il dit, les rois des nations les maîtrisent, ceux qui sont au-dessus des nations maîtrisent, maltraitent, arnaquent, abusent des nations sur lesquelles ils dominent, sur lesquelles ils sont des rois. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Il dit, si vous cherchez à être les plus grands, vous allez être... Ça vous fait les gaffes. Vous savez, moi je dirais qu'il y a bien des gens qui ont désiré être parmi les leaders de la société et des pays de ce monde avec des bonnes intentions. Mais rendu en haut, on dirait que toutes ces bonnes intentions-là disparaissent. Il n'y a personne qui est en autorité dans ce monde en tant qu'être humain qui le fait d'une bonne façon. C'est pour ça que Jésus dit, les rois, ceux qui dominent, abusent, exploitent les gens sous eux autres. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire du monde, et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de la Bible. Et Jésus dit au verset 26, « Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. » Il dit au contraire, « Parmi vous, que celui qui va être le plus grand soit le plus petit, et que celui qui gouverne soit celui qui sert. » Vous voulez être grand? Devenez serviteur de tous. Soyez là comme étant le plus petit au service de tout le monde. Oh! C'est pas mal contradictoire avec leur pensée. Eux autres, ils veulent être le plus grand. Et quand on veut être le plus grand en tant qu'être humain, c'est parce qu'il y a des gens autour de nous autres qui servent à accomplir nos buts, nos intentions, nos rêves. On a des ambitions et les gens qui sont autour de nous vont servir à atteindre nos ambitions. Donc, on va les manipuler, on va les exploiter. Peu importe ce que tu penses, mon cher ami, tu dis non, non, non, moi je ne suis pas comme ça. Jésus déclare ici, les gens de ce monde qui veulent être grands, qui veulent être les premiers, finissent toujours par dominer tout le monde. Mais dans le royaume de Dieu, parmi vous, les enfants de Dieu, parmi vous, vous devriez vouloir être le plus petit. Mais attention, Luc n'est pas en train de dire à Théophile, de dire à Théophile, attention Théophile, toi qui es un excellent là, en autorité, attention, là, je vais te donner une petite leçon de moralité. Hein Théophile, tu devrais t'efforcer à être le plus petit. C'est pas ça qu'il est en train de vouloir lui passer comme message. Parce que, remarquez bien, Luc dit ces choses ici, qui s'est passé ce soir-là, pour que Théophile comprenne ce que Jésus pense, ce que Jésus voit. Oh, mes chers amis, ce qui est important, ce n'est pas vous et moi. Ce qui est important, c'est Jésus. Au verset 27, c'est marqué, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? » C'est ce que vous pensez. C'est en généralement le principe de base de la société. Celui qui est à table est plus grand que celui qui se fait servir. par les gens autour de la table. Les serviteurs sont moins grands que celui qui se fait servir à la table. C'est un principe social dans lequel on vit. C'est comme ça que ça marche. Il dit, mais cependant, ce que je vous demande de faire, d'être le plus petit pour servir tout le monde, moi je le fais. Il dit, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dis-moi, je suis là pour servir. Il dit, Luc, il dit à Théophile, comprends bien ça, Théophile. Jésus ne veut pas établir un royaume pour se faire servir. Il est dans le monde, puis il est là en tant que serviteur. Il sert Dieu, et il va servir aussi les hommes. Et il continue à dire, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous avez persévéré avec moi. Ils ne comprennent pas tout. Mais après 3 ans, ils sont encore là. Ils vont rester toujours là. Mais ils ne comprennent pas tout. Mais à fur et à mesure, Dieu va les aider à comprendre, Jésus va les aider, l'Esprit Saint va les aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Mais ils ont persévéré avec lui. Il dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Je vais vous faire participer au royaume que je suis en train d'accomplir, de mettre en place. Comme le Père en a disposé en ma faveur, pourquoi le Père en a disposé en sa faveur? C'est parce que Jésus est au service du Père. Jésus sert le Père en tant qu'homme, en tant qu'envoyé, en tant que Messie, en tant que celui qui est là. Hein? Il sert à la gloire du Père. Il sert à la gloire de Dieu. Comme mon Père en a disposé à faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Il dit, le Père a disposé du royaume en ma faveur, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Si vous êtes petit, si vous êtes là pour servir le royaume de Dieu. Si vous êtes là pour servir les gens, comme moi j'étais là pour servir Dieu mon Père, si vous êtes là pour la gloire de Dieu, si vous êtes là pour le royaume de Dieu, vous allez avoir part au royaume de Dieu. Vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Il va vous être fait la faveur d'être dedans le royaume de Dieu. Vous allez avoir le privilège de vous asseoir avec moi à ma table dans mon royaume. Vous allez faire partie de ce royaume-là. Mais ici, il va falloir que vous changiez d'attitude. Et si vous allez être assis à ma table, vous allez jouir avec moi du royaume dans lequel on va être ensemble, et vous allez juger les tribus d'Israël. Les autorités d'Israël vont me crucifier, ils ne veulent pas m'avoir, ils vont me rejeter. Et vous qui acceptez le royaume de Dieu, vous qui acceptez le fait que je vais mourir et que je vais ressusciter, que je vais être rejeté, que je vais être crucifié, dans ces épreuves, fait partie de cela, hein? C'est pas juste les épreuves des premiers 3 ans, et là, mais ça comprend aussi la croix. Vous allez vous persévérer avec moi dans mes épreuves, vous allez continuer avec moi jusqu'à l'autre bord de la croix, jusqu'à l'autre bord de la résurrection, mais ça va vous donner le droit de vous asseoir dans le royaume, et vous êtes assis sur des trônes, et vous allez condamner Israël. Faire attention ici, c'est pas que nous autres, on va commencer à juger les gens, mais toi, tu ne devras pas aller au ciel, puis toi, tu vas aller en enfer. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit, le fait que vous acceptez que je sois le Messie, ce genre de Messie-là, va condamner Israël. Ça va démontrer qu'Israël s'est trompé. Israël n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Pourquoi est-ce qu'ils vont être jugés et condamnés par Jésus et par les apôtres? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu croire ni l'enseignement de Jésus, ni les enseignements des apôtres, que les apôtres vont amener un peu plus loin, un peu plus tard, qu'on pourrait lire dans les Actes des apôtres. Les disciples, avec l'attitude qu'ils ont présentement, Jésus leur dit ça ici, là. Ils ne vont pas changer, là. On va le voir. Et avec leur attitude de vouloir être le premier, leur attitude de vouloir être servi au lieu de servir, va les amener à tout renier qu'on va voir demain. ils vont tous renier le Seigneur Jésus. Il n'y a pas juste Pierre qui renie. Tout le monde renie. Tout le monde abandonne. Tout le monde rejette. Jésus, il est livré à lui-même. Il n'y a personne parmi les êtres humains qui vont l'accompagner vraiment. Il va être seul devant la mort. Ils vont changer d'opinion plus tard. Mais pour le moment ici, là, ils ont une attitude bien, bien mauvaise. Pendant que Jésus leur annonce qu'il va souffrir, qu'il va mourir, qu'il va être rejeté, qu'il va être crucifié, que son corps va être livré à la mort, que son sang va être versé pour la nouvelle alliance, eux autres, tout ce qu'ils pensent, c'est être le plus grand dans le royaume de Dieu. Jésus dit, il va falloir que vous changiez d'attitude. Et on sait, parce qu'on connaît la fin de l'histoire, on sait qu'ils vont changer d'attitude. Mais si je suis Théophile, qu'est-ce que je vois ici dans mon texte? Je vois un Jésus qui accepte la mort, qui désire la mort, parce qu'il veut établir le royaume de Dieu. Son Père l'a envoyé pour établir le royaume de Dieu, et Jésus dit, « Mon Père m'a donné le royaume de Dieu, et moi, je vais aussi vous le donner. » Comme je vais participer au royaume de Dieu, vous allez participer aussi en tant que mes disciples, en tant que mes gens qui suivent. Jésus ici, il parle en tant, non pas en tant que Dieu, mais en tant que humain qui représente la race humaine. En tant que race humaine, Jésus s'est identifié avec nous, et il va s'identifier avec nous pour l'éternité. Jésus ne va jamais, si je peux dire ainsi, ne va jamais cesser d'être un homme. Parce qu'il a un corps ressuscité, il est monté au ciel avec son corps ressuscité, et je crois qu'il va passer l'éternité dans son corps ressuscité. Ça n'y enlève pas sa divinité. Mais il va rester un être humain pour l'éternité, je crois. Parce qu'il s'est identifié à la race humaine pour toujours. Il n'a pas arrêté d'être un humain après qu'il était monté au ciel. Je ne crois pas cela. Mais pour Théophile, ici, qui lit le chapitre 22, il dit, « Ouais, ce Jésus-là, il est mort par la main des Juifs et des Romains, mais il voulait, il avait une intention plus grande, il voulait, lui, établir un royaume non pas terrestre, mais un royaume céleste pour la gloire de Dieu, la gloire du Dieu des Juifs. » Notre bon Père du ciel, ceux qui sont tes enfants, ceux qui sont assis à ta table, participent à ton royaume, parce qu'on a persévéré avec toi dans tes épreuves. Nous avons cru que tu étais le Messie, nous avons cru que tu n'es pas mort juste par la main des hommes, mais tu es mort selon ce qui avait été déterminé. Nous croyons que tu es mort pour que le royaume de Dieu vienne, pour que la nouvelle alliance commence. Nous avons persévéré. Et c'est pour ça maintenant que nous sommes assis dans le royaume de Dieu, spirituellement parlant pour le moment, un jour, physiquement. Mais tous ceux qui refusent cela, tous ceux qui ne persévèrent pas avec Jésus, dans tout ce qu'il a fait, ils vont être jugés et condamnés par ceux qui ont cru. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu avais planifié, tu avais orchestré et tu l'as accompli. Malgré la folie des hommes, malgré l'incompréhension des disciples, ça ne t'a pas empêché d'aller jusqu'au bout dans la mort pour l'établissement du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.